Le formidable événement par Maurice Leblanc. Première partie, Guillaume le Conquérant. Chapitre 1er, la demande en mariage. « Oh, mais c'est effroyable !» s'écria Simon Dubosc. « Écoutez donc, Edwards !» Et le jeune homme, emmenant son ami loin des tables groupées sur la terrasse du pavillon, lui montra, dans la feuille des dernières dépêches, qu'un motocycliste venait d'apporter au New Golf ce télégramme inséré en gros caractères. 29 mai, Boulogne. Le patron et l'équipage d'une barque de pêche qui vient de rentrer au port déclarent que ce matin, à égale distance des côtes anglaises et françaises, ils ont vu un grand vapeur soulevé par une trombe d'eau gigantesque et qui, après s'être dressé de toute sa hauteur, piqua sur son avant et disparut en l'espace de quelques secondes. Il y eut alors des remous si violents et la mer, très calme jusque-là, fut le théâtre de convulsions si anormales que les pêcheurs durent s'enfuir à toute rame pour n'être pas entraînés par le tourbillon. L'autorité maritime envoie dès maintenant de remorqueurs sur le lieu du sinistre. Hein, qu'en dites-vous, Rolston ? Effroyable, en effet, prononça l'anglais. Avant-hier, la ville de Dunkerque, aujourd'hui un autre, et dans les mêmes parages. Il y a là une coïncidence. C'est précisément ce que fait remarquer un second télégramme, dit Simon, qui reprit sa lecture. 15 heures, Londres. Le vapeur coulait entre Folkestone et Boulogne et le transatlantique Brabant, de la compagnie Rotterdam America, qui transportait 1200 passagers et 800 hommes d'équipage. Aucun survivant n'a été recueilli. Les cadavres commencent à remonter à la surface. Il est hors de doute que ce terrifiant désastre a été, comme la perte de la ville de Dunkerque avant-hier, provoqué par un de ces phénomènes mystérieux qui bouleversent le Pas-de-Calais depuis une semaine, et dont plusieurs bateaux, avant le Brabant et la ville de Dunkerque, ont failli être victimes. Les deux jeunes gens se turent. Appuyés à la balustrade qui borde la terrasse du club, ils regardaient par-delà les falaises le cercle immense de la mer. Elle était paisible et accueillante, sans colère ni traîtrise, ici rayée de minces lignes vertes ou jaunes, plus loin, pure et bleue comme l'espace, et plus loin encore, sous les nuages immobiles, grises comme une grande plaque d'ardoise. Mais au-dessus de Brighton, le soleil qui inclinait déjà vers les collines apparut et ce fut sur la mer une traînée lumineuse de poudre d'or. « La perfide !» murmura Simon Dubost. Il comprenait fort bien la langue anglaise, mais parlait toujours français avec son ami. « La perfide, comme elle est belle et attirante, dira-t-on jamais qu'elle a de ces caprices méchants qui détruisent et tuent ?»« Vous traversez toujours ce soir, Edward ?»« Oui, par New Haven et Dieppe. »« Tout se passera bien, » dit Simon. « La mer a eu ses deux naufrages. Elle est assouvie. » Mais qui vous presse de partir ? Un rendez-vous demain matin à Dieppe, avec une équipe de matelots, pour armer mon yacht. De là, dans l'après-midi, à Paris sans doute, et dans 8 jours, une croisière en Norvège. Et vous, Simon ? Simon Dubosc ne répondit pas. Il s'était retourné vers le pavillon du club, dont les fenêtres s'illuminaient de soleil dans leur cadre de vignes vierges et de chèvrefeuilles. Les joueurs avaient quitté les links et s'étaient répartis sous les grands parasols multicolores. On prenait le thé. De main en main circulait la feuille des dernières dépêches que l'on commentait avec animation. Il y avait des tables de jeunes gens et de jeunes filles, et des tables de parents et d'autres où de vieux gentlemen se restauraient en vidant les assiettes de cake et de toast. À gauche, au-delà des corbeilles de géranium, commençaient les molles ondulations des links au gazon de velours vert, et tout au bout, très loin, un dernier joueur, escorté de ses deux caddies, dressait sa haute silhouette. « La fille de Lord Beckfield et ses trois amis ne vous quittent pas des yeux, » dit Edwards. Simon eut un sourire. « Miss Beckfield me regarde parce qu'elle sait que je l'aime, et ses trois amis parce qu'elles savent que j'aime Miss Beckfield. Un monsieur qui aime constitue toujours un spectacle, agréable pour celle qui est aimée, irritant pour celles qui ne le sont pas. » Il avait dit cela sans le moindre accent de vanité. D'ailleurs, on ne pouvait rencontrer chez un homme plus de charme naturel et plus de séduction ingénue. L'expression de son visage, ses yeux bleus, son sourire, quelque chose de particulier qui émanait de lui et qui était un mélange de force, de souplesse, de gaieté saine, de confiance en soi et de confiance dans la vie, tout contribuait, par une faveur spéciale, à lui donner un air de bonne grâce dont on se prêtait à subir la fascination. Fervent de sport, il était arrivé à l'adolescence avec ces jeunes Français d'après-guerre qui mirent en honneur la culture physique et les méthodes rationnelles. Ses mouvements, aussi bien que ses attitudes, offraient cette harmonie que développe un entraînement logique et qu'affine encore, chez ceux qui se soumettent aux règles d'une vie intellectuelle très active, l'étude de l'art et le sentiment de la beauté sous toutes ses formes. De fait, la fin de ses classes n'avait pas été pour lui, comme pour beaucoup, le début d'une vie nouvelle. Si, par excès de force, il fut conduit à se disperser en ambitions athlétiques et en tentatives de record qui le promenaient sur tous les stades et champs de bataille d'Europe et d'Amérique, il ne consentit jamais à ce que son corps primât aux dépens de son cerveau, se réservant chaque jour et quoi qu'il arrivât, les 2 ou 3 heures de solitude, de lecture et de songerie où l'esprit s'alimente. Il continuait d'apprendre avec la ferveur d'un étudiant qui prolonge son existence de collège et de gymnase jusqu'à ce que les événements lui commandent de choisir entre les voies qu'il s'est ouvertes. Son père, auquel l'unissait la plus vive affection, s'étonnait. « Enfin, Simon, où veux-tu en venir? Quel est ton but ?»« Je m'entraîne. En vue de quoi ?»« Je l'ignore. Pour chacun de nous, il y a une heure qui sonne où il faut être tout prêt, bien armé. Les idées en ordre, les muscles au point, je serai prêt. » Ainsi gagna-t-il sa 30e année. Et c'est au commencement de cette année à Nice, et par l'intermédiaire d'Edward Rolston, qu'il fit la rencontre de Miss Bakefield. « Je verrai certainement votre père à Dieppe, » repartit Edwards. « Il sera surpris que vous ne reveniez pas avec moi, comme c'était convenu le mois dernier. Que dois-je lui dire ? Dites-lui que je reste quelque temps encore ici. Ou plutôt non, ne dites rien, je lui écrirai. Demain, peut-être. Ou après-demain. » Il saisit le bras d'Edwards. Écoute, il tutoyait parfois son compagnon. Écoute, si j'ai demandé la main de Miss Bakefield à son père, qu'en adviendrait-il, selon toi ? Edward Rolston parut interloqué. Il hésita, puis répondit. Le père de Miss Bakefield s'appelle Lord Bakefield, et peut-être ne savez-vous pas que la mère de Miss Bakefield, cette admirable Lady Constance, qui est morte il y a une 30 ans, était l'arrière-petite-fille d'un des fils de George III. Elle avait donc dans les veines un 1/8 de sang royal. Edward Rolston prononça ces mots avec une telle onction que Simon, français irrespectueux, ne put s'empêcher de rire. Bigre, un 1/8. De sorte que Miss Bakefield peut encore se prévaloir d'un 16e et que ses enfants bénéficieront d'un 32e. Mes chances diminuent. En fait, de sang royal, je ne puis me réclamer que d'un arrière-grand-père, charcutier de son état, qui a voté la mort de Louis XVI. C'est maigre. Il entraîna son ami. Rends-moi service. Miss Bakefield est seule en ce moment. Occupe-toi de ses amis, pour que je puisse lui parler quelques minutes. Pas davantage. Edward Rolston, camarade sportif de Simon, était un grand garçon trop pâle et trop maigre, d'une taille si élevée qu'il avait pris l'habitude de se tenir courbé. Simon lui connaissait beaucoup de défauts, entre autres d'aimer le whisky, de courir les tavernes et de vivre d'expédients. Mais c'était un camarade dévoué, en qui Simon sentait une affection réelle et de la loyauté. Ils s'approchèrent tous deux. Edwards prit place auprès des 3 amis tandis que Miss Bakefield venait au-devant de Simon Dubosc. Elle était vêtue d'une robe de lingerie infiniment simple et sans aucun de ces ornements qui constituaient la mode. Son cou nu, ses bras que l'on voyait à travers la mousseline de ses manches, son visage, son front découvert, avaient cette teinte chaude que donne à la peau de certaines blondes le soleil et le grand air. Des points d'or brillaient dans ses prunelles presque noires. Ses cheveux éclatants, à reflets métalliques, se nouaient sur sa nuque en une lourde torsade. Mais c'était là de menus détails dont on ne s'apercevait qu'à la longue et lorsqu'on avait réussi à se distraire du spectacle merveilleux qu'offrait l'ensemble même de sa beauté. Simon Dubosc n'en était point là. Il pâlissait toujours un peu sous le regard de Miss Bakefield, si doux que fut ce regard en se posant sur lui. Il lui dit « Vous êtes résolue, Isabelle ?»« Pour le moins autant qu'hier, » dit-elle en souriant, « et je le serai plus encore demain, quand l'heure sera venue d'agir. Cependant, il y a 4 mois à peine que nous nous connaissons, ce qui signifie ?»« Ce qui signifie qu'au moment où l'acte irréparable va s'accomplir, j'interroge votre raison. » Plutôt que mon amour. Depuis que je vous aime, Simon, je n'ai pas encore pu découvrir le moindre désaccord entre ma raison et mon amour. Ainsi donc, je pars demain matin avec vous, Isabelle. Préférez-vous que je parte demain soir avec mon père ? Un voyage de 3 ou 4 ans. Voilà ce qu'il me propose, ce qu'il exige. C'est à vous de choisir. Il disait toutes ces paroles si graves, sans que l'émotion dont ils frémissaient au plus profond d'eux-mêmes altérât leur visage. Il semblait que se trouvaient l'un près de l'autre, ils éprouvassent ce bien-être qui donne la paix et la force. Et la jeune fille, étant, comme Simon, de haute taille et de belle allure, ils avaient l'impression confuse de former un de ces couples privilégiés que le destin marque pour une vie plus puissante, plus noble et plus passionnée. « Soit, fit-il, mais laissez-moi tout au moins tenter une démarche auprès de votre père. Il n'ignore rien, Simon. Et c'est justement parce que notre amour lui déplaît, et déplaît encore plus à ma belle-mère, qu'il veut m'éloigner de vous. J'insiste, Isabelle. Parlez-lui donc, et s'il refuse, ne cherchez pas à me voir aujourd'hui, Simon. Demain, un peu avant midi, je serai à New Haven. Entendez-moi devant la passerelle du bateau. » Il dit encore. « Vous avez lu les dernières dépêches ? » Oui. Cette traversée ne vous effraie pas ? » Elle sourit. Alors il s'inclina et lui baisa la main, sans un mot de plus. Lord Wakefield, père du Royaume-Uni, veuf en première noce d'une arrière-petite-fille de George III, époux actuel de la duchesse de Falconbridge, possesseur par lui-même ou par sa deuxième femme de châteaux, domaines et bourgs, qui lui permettait presque d'aller de Brighton à Folkestone sans sortir de chez lui, c'était ce joueur lointain qui s'attardait à travers les links et dont la silhouette, plus proche maintenant, apparaissait et disparaissait selon les accidents du terrain. Simon décida de profiter de l'occasion et d'aller au-devant de lui. Il y alla résolument. Malgré l'avertissement de la jeune fille, et bien qu'il connût par elle et par Edward Rolleston la vraie nature et les préjugés de Lord Wakefield, il était influencé par le souvenir de l'accueil toujours cordial que lui avait jusqu'ici réservé le père d'Isabelle. Cette fois encore, la poignée de main fut pleine de bonhomie. La figure de Lord Wakefield, une figure toute ronde, trop grasse pour le corps qui était maigre et long, trop coloré, un peu vulgaire, mais qui ne manquait pas de finesse, s'éclaira de satisfaction. « Eh bien, jeune homme, vous venez me dire adieu sans doute, vous avez appris notre départ. » « Justement, Lord Wakefield, et c'est pourquoi j'aurai quelques mots à vous dire. Parfait, parfait, je vous écoute. » Il se courba sur le tertre de départ, édifia de ses deux mains un petit monticule de sable, au sommet duquel il établit sa balle, puis, se relevant, il prit le club que lui tendait un des caddies et se mit en posture, bien d'aplomb, le pied gauche légèrement en avant, les jambes à peine fléchies. Deux ou trois simulacres pour s'assurer de la direction exacte, une seconde de réflexion et de calcul, et soudain le club vola, s'abattit et frappa. La balle jaillit dans l'espace et tout de suite obliqua vers la gauche. Puis revenant à droite, après avoir évité un groupe d'arbres qui formait obstacle, elle alla tomber sur la pelouse d'arrivée à quelques mètres du trou. « Bravo !» s'écria Simon Dubosc. « Une jolie balle tirée. »« Pas mauvais, pas mauvais !» articula Lord Wakefield en se remettant en marche. Simon ne se laissa pas démonter par cette façon singulière d'entamer l'entretien. Sans autre préambule, il s'expliqua. « Lord Wakefield, vous savez qui est mon père, armateur à Dieppe, propriétaire de la plus grande flotte marchande de France. Donc, de ce côté, je n'insiste pas. »« Excellent homme, monsieur Dubosc, » approuva Lord Wakefield. « J'ai eu plaisir à lui serrer la main le mois dernier à Dieppe. Excellent homme. » Simon reprit, tout heureux. « Parlons de moi. » Fils unique, fortune indépendante qui me vient de ma pauvre maman, à 20 ans en aéroplane, la traversée du Sahara, sans escale, à 21 ans recordman du 1000 en course à pied, à 22 aux Olympiades, 2 victoires en escrime et en natation, à 25 ans champion du monde du concours de l'athlète complet, au milieu de tout cela, pêle-mêle, campagne du Maroc, 4 citations à l'ordre du jour, lieutenant de réserve, médaille militaire, médaille de sauvetage. C'est tout. Ah non, j'oubliais. Licencié S-Lettres, lauréat de l'Académie pour mes études sur la beauté en Grèce. Voilà. J'ai 29 ans. Lord Wakefield regarda du coin de l'œil et marmotta. Pas mal, jeune homme, pas mal. Pour l'avenir, reprit Simon aussitôt, ce sera bref. Je n'aime pas les projets. Cependant, on m'offre un siège de député aux prochaines élections du mois d'août. Évidemment, la politique ne m'intéresse pas beaucoup, mais enfin, s'il le faut. Et puis quoi, je suis jeune. J'arriverai toujours à me faire une place au soleil, n'est-ce pas? Seulement, il y a une chose, du moins, à votre point de vue, Lord Wakefield. Je m'appelle Simon Dubosc. Dubosc en un seul mot, sans particule, sans la moindre apparence de titre, et n'est-ce pas? Il s'exprimait sans embarras, d'un ton d'enjouement et de belle humeur. Lord Wakefield ne bronchait pas la figure toujours aimable. Simon se mit à rire. « Je comprends la situation. et j'aimerais beaucoup mieux vous offrir une généalogie plus compliquée avec blasons, devises et parchemins. Impossible, hélas. Pourtant, à la rigueur, nous pouvons remonter la chaîne de nos aïeux jusqu'au XVe siècle. Oui, Lord Beakfield, en 1352, Mathieu Dubosc, valet de ferme au manoir de Blanc-Ménil, près de Dieppe, fut condamné pour vol à 50 coups de bâton, et les Dubosc ont continué bravement, de père en fils, à travailler la terre. La ferme existe encore, la ferme Dubosc, c'est-à-dire du bosquet, du bouquet d'arbres. Oui, oui, je sais, interrompit Lord Beakfield. Ah, vous savez, répéta le jeune homme, quelque peu décontenancé. Il sentait à l'allure du vieux gentleman, et au ton même de l'interruption, toute l'importance des paroles qui allaient être prononcées. Et Lord Beakfield reprit. « Oui, je sais, le hasard. En passant à Dieppe, le mois dernier, j'ai fait une petite enquête à propos de ma famille qui est originaire de Normandie. Beakfield est, vous l'ignorez peut-être, la corruption anglaise de Bacqueville. Il y a eu un Bacqueville parmi les compagnons de Guillaume le Conquérant. Vous connaissez le joli bourg de ce nom en plein pays de Caux. Or, il existe un acte du XVe siècle, signé à Londres et enregistré à Bacqueville, par lequel le comte de Bacqueville, baron d'Opergard et de Gourel, octroyait son vassal le sire de Blanc-Ménil le droit de justice sur la ferme du Bosc. Sur cette même ferme du Bosc où le pauvre Mathieu reçut des coups de bâton. Très drôle, la coïncidence, très amusant. Qu'en dites-vous, jeune homme ? Cette fois, Simon fut touché au vif. Il était impossible de donner avec plus de courtoisie et de rondeur une réponse qui eût une signification plus pertinente. Sans phrase, sans couleur de raconter une petite histoire généalogique, Lord Beakfield établissait qu'à ses yeux, le jeune Dubosc ne tenait guère plus de place que le valet de ferme du XVe siècle aux yeux du puissant seigneur anglais, comte de Beakfield et suzerain de Blanc-Ménil. Les titres et les exploits de Simon Dubosc, champion du monde, vainqueur aux Olympiades, lauréat de l'Académie française, athlète complet, tout cela ne pesait pas une once dans la balance où un pair d'Angleterre, conscient de sa supériorité, juge les mérites des gens qui aspirent à la main de sa fille. Or, les mérites de Simon Dubosc étaient de ceux avec lesquels on s'acquitte largement par l'aumône d'une politesse affectée et d'une poignée de main cordiale. Ce fut si net. Et l'âme même du vieux gentleman, avec son orgueil, ses préjugés, sa rigueur, son obstination, se montra dans une telle clarté que Simon, ne voulant pas subir l'humiliation d'un refus, reprit d'un petit ton de persiflage assez impertinent. « Bien entendu, Lord Beakfield, je n'ai pas l'intention de devenir votre gendre, comme cela, du jour au lendemain, et sans avoir mérité une faveur aussi extraordinaire. Ma demande porte avant tout sur les conditions que devrait remplir Simon Dubosc, descendante d'un valet de ferme, pour obtenir la main d'une Beakfield. Je suppose que les Beakfield ayant pour aïeul un compagnon de Guillaume le Conquérant, il faudrait que Simon Dubosc, pour se réhabiliter, conquît quelque chose, comme un royaume. Fit, par exemple, la façon du bâtard, une descente triomphale en Angleterre. Est-ce bien cela ? À peu près, jeune homme, répondit le vieux lord, un peu déconcerté par l'attaque. Peut-être aussi, continua Simon, devrait-il accomplir quelques actions surhumaines, quelques prouesses mondiales intéressant le bonheur de l'humanité? Guillaume le Conquérant d'abord, Hercule ou Don Quichotte ensuite? On pourrait peut-être alors s'entendre? On le pourra, jeune homme. Et ce serait tout? Pas tout à fait. Et Lord Beakfield, qui avait recouvré son sang-froid, reprit avec bonhomie. Je ne puis engager la liberté de Miss Beakfield durant une période très longue. Il vous faudrait triompher dans un espace de temps déterminé. Estimez-vous, monsieur Dubosc, qu'en fixant cette période à 2 mois, je sois trop exigeant ? Beaucoup trop généreux, Lord Beakfield, s'écria Simon. Une 20aine de jours me suffisent amplement. Pensez donc, 20 jours, pour me montrer l'égal de Guillaume le Conquérant et le rival de Don Quichotte. C'est plus qu'il ne me faut. Et je vous remercie du fond du cœur. À bientôt, Lord Beakfield. Et pivotant sur ses talons, assez satisfait d'un entretien qui, somme toute, le dégageait vis-à-vis du vieux gentilhomme, Simon Dubosc retourna vers le pavillon du club. Le nom d'Isabelle n'avait même pas été prononcé. « Eh bien ?» lui dit Edward Rolston. « Vous avez fait votre demande ?»« À peu près. » Et la réponse ?« Excellente, Edward, excellente. Il n'y a rien d'impossible à ce que ce brave homme, que tu vois là-bas en train d'envoyer une petite boule dans un petit trou, devienne le beau-père de Simon Dubosc. Il suffirait d'un rien, de je ne sais quoi, un prodige, un formidable événement qui changerait la face du monde, voilà tout. Simon, prononça Edward, les événements de cette sorte sont rares. Alors, mon bon Rolston, qu'ils soient faits selon ma volonté et selon la volonté de Miss Blakefield. Ce qui veut dire... Simon ne répliqua point. Il avait aperçu Isabelle qui sortait du pavillon. En le voyant, la jeune fille s'arrêta. Elle se trouvait à 20 pas de lui, grave et souriante, et dans le regard qu'ils échangèrent, il y avait tout ce que deux êtres, au début de la vie, peuvent se promettre de tendresse, de dévouement, de bonheur et de certitude.